franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Cabu. Jacques Chancel. Non, Cabu, profession dessinateur. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les dessinateurs enlevaient leur prénom. Je sais pas, il y a peut-être une mode aussi. Il y a 20 ans, les dessinateurs recherchaient une contraction de leur nom ou bien des... Enfin, un truc marrant, quoi. Moi, j'ai enlevé le T simplement à mon nom parce que j'avais déjà un nom rigolo, quoi. Comme les grands peintres? Oui, peut-être, oui. Quel est votre prénom? C'est Jean? Jean, oui. Et ça n'allait pas, Jean Cabu, ça ne faisait pas vrai. Si, mais j'ai commencé à dessiner dans l'Union de Reims et je signais KBU, avec un K. Ouais. Parce que, bon, ça faisait... J'étais potache, quoi. Vous êtes né à Chalon-sur-Marne et c'est un berceau pour les dessinateurs. Il y avait déjà des ancêtres dans cette ville. Il y a Villette qui est née à Chalon-sur-Marne, oui. Peintre Montmartrois, dessinateur de Pierrot et Colombine. On est guidé par une vocation, par un amour de quelque chose, ou bien simplement un instituteur, un jour un professeur dit « Ah, c'est pas mal ce que vous faites, vous devriez continuer dans le dessin. » C'est Dubout qui m'a donné envie de dessiner, dès l'âge de 12 ans. C'était un vrai dessinateur pour vous? Ah, c'est un très très grand dessinateur. Vous verrez que dans quelques années, on reconnaîtra que, que c'était un grand artiste. Parce que quand on voit ces illustrations de livres... Vous connaissez peut-être les... Oui, très bien. Mais ce n'était pas connu du grand public. On voyait que les foules, que les grosses mémères et les petits bonshommes. Mais il a illustré tous les grands livres, tous les grands auteurs. Il a fait des lithographies magnifiques, quoi. Et déjà, il accentuait tous les ridicules, ce que vous faites un peu. Parce que je veux dire que vous n'êtes pas tendre. Je dirais même que vous êtes sévère. Bah, vous êtes cruel dans la vie courante? Je ne crois pas, mais je regarde et puis... Notre rôle, c'est un peu de compenser peut-être que ce que l'esprit critique qui disparaît de peut-être des médias et des institutions. L'Assemblée nationale, est-ce que l'Assemblée nationale joue encore un rôle? Peut-être qu'on compense toutes ces défaillances. Peut-être même êtes-vous plus sévère que les journalistes de la presse écrite. Je regarde les dessinateurs depuis quelque temps et je crois que c'est par le dessin que beaucoup de choses passent. Que beaucoup de pamphlets sont écrits, comme quoi le graphisme peut retrouver le mot. Oui, c'est vrai. Charlie Hebdo, je crois que nous sommes avant tout des journalistes. Vous reconnaissez d'ailleurs comme journaliste. Oui, nous avons une carte de presse et quand on me demande ce que je fais, je dis je suis journaliste. Mais la légende a à ce moment-là de l'importance? Bien sûr, oui. Ce que l'on écrit à côté a plus de l'importance que le graphisme? C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le dessin. Maintenant, on s'exprime surtout par la bande dessinée, alors qu'avant... On faisait un seul dessin. Moi, je suis quand même toujours attaché à ce dessin, un dessin très simple, avec très peu de texte. Et Charlie Hebdo a été créé par une bande de dessinateurs, par surtout trois personnes, Cavana, Bernier et Fred, qui ont commencé par créer Harakiri, parce que justement, il n'y avait pas de journaux pour s'exprimer à part Ici Paris. Moi, j'ai rencontré Fred à Ici Paris. Vous m'avez dit, Cabu, que vous aviez de la tendresse pour Dubout. Vous avez la même tendresse pour Jacques Faisan, pour Faisan. Jacques Faisan, je reconnais que ce n'est pas facile de faire des dessins pour, vous voyez. Oui. Qu'est-ce que vous appelez des dessins pour? Des dessins pour les choses qui sont en place, pour la majorité. Oui. Qui ne tapent que d'un seul côté, parce que nous, on ne peut pas nous reprocher quand même de taper que d'un seul côté. Quoi. Mais enfin, un journaliste, je veux dire un dessinateur, ne peut pas appartenir à un parti politique. Théoriquement. Vous appartenez, vous? Non, pas du tout. J'ai des sympathies pour les écologistes, et surtout pour les non-violents. Je pense que le seul mouvement qui vaille la peine, si vous voulez, d'essayer, encore ce qu'on n'a pas essayé, ce serait la non-violence. Essayer de ne plus se battre. De ne plus se battre, de régler tous les conflits autrement que par les armes. Vous ne pensez pas que c'est de l'utopie? Parce que vraiment, plus on va, et plus ça bagarre partout. C'est ça, mais ça sera jamais le moment de désarmer. Si, quand on parle de désarmement, je sais bien, les gens me disent, mais tu vas pas désarmer en ce moment, mais l'utopie, c'est l'utopie ou la mort, comme dit Dumont. Si on ne désarme pas, un jour, on va disparaître, quoi. Alors, l'utopie est une règle de vie, de toute manière. Moi j'aime les gens qui ont envie de changer le monde, encore. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vos débuts, vous les avez faits à l'Union, à Reims. Mais je me suis aperçu que vous aviez également travaillé au Figaro. Oui, j'ai fait des dessins. Ici, Paris, le Figaro. J'ai fait des dessins de spectacles dans le Figaro. J'ai dessiné dans Candide, j'ai tout fait. Il fallait le faire. Vous ne regrettez pas parce non, que... non, parce que j'ai fait, même au Figaro, j'ai couvert, comme on dit, le procès Ben Barka. Les croquis d'audience. Les croquis d'audience, et ça m'intéressait. J'ai suivi tout le procès Ben Barka. Je veux dire que ça ne se fait presque plus. Non. Et c'est dommage, car c'était un art particulier, c'est-à-dire le trait, croquer un personnage à la barre. Voilà, et c'était la revanche du dessinateur, parce que vous savez que les photos ne sont pas admises, enfin les photographes ne sont pas admis dans les prétoires. Donc, le dessinateur était le roi, là. Voilà, et ça se perd. Vous savez, il n'y a plus beaucoup de dessins dans les journaux. Hein. Et puis, il y a une habitude, quand il y a trop de place, on commence par supprimer le dessin. C'est parce que les journaux, par exemple, les journaux quotidiens n'osent plus publier des dessins qui disent des choses importantes, moi je crois aussi. Donc il s'est créé des journaux, comme nous on a créé des journaux, pour s'exprimer. Enfin, j'ai l'impression, Cabu, qu'il s'agit d'abord d'inventer des personnages, d'inventer des situations, et je me demande si vous étiez fait pour le massacre. Parce que lorsqu'on vous regarde, vous qui êtes si sévère, vous qui êtes cruel, qui tapez dur, vous êtes un tendre. J'aime pas grand chose quand même. Je me dis que le monde est fait pour des gens qui aiment le rock, qui aiment la bagnole, qui aiment les films de guerre, enfin les films de gangsters. Et moi, j'aime rien de tout ça. Et il faut que je cherche désespérément des petites choses comme ça. Enfin, il ne faut pas tenir compte de ce que vous n'aimez pas, on a compris. Mais qu'est-ce que vous aimez ? Mais j'aimerais une harmonie un peu plus grande, quoi, entre les choses, Et puis surtout, que la bêtise ne mène pas le monde. La manipulation, regardez Carter en ce moment. Il va peut-être être réélu grâce à la menace de guerre. Et on ne parle que de, pour résoudre la crise, de développer les productions d'armement. La guerre lui aura été bénéfique. Eh oui. Vous vous rendez compte d'une responsabilité ? Je crois que c'est le triomphe de la politique et de l'événement. Et du cynisme. Mais alors, moi, je voudrais que les gens... Mais on a l'impression que ça vous étonne. Ça ne vous étonne pas ? Non, parce qu'on sait que les choses sont comme ça, vraiment. Et il faut être utopiste pour les changer et assez lucide pour comprendre. Oui, mais on devrait se servir de ces expériences à chaque fois. Mais les gens nous oublient ce qui s'est passé il y a 3-4 ans. Je voudrais que les gens refusent, par exemple, de travailler dans les usines d'armement. Je voudrais pas qu'ils disent « Ah ben, on n'y peut rien, c'est pas nous qui faisons la politique, c'est pas nous qui avons des programmes d'armement. » Et les syndicats disent ça, disent « Vous avez la CGT et la CFDT à l'intérieur des usines d'armement. » Et il y a des gens, à l'heure à laquelle nous parlons, qui sont en train de visser des obus. À la fin de la journée, ils auront fabriqué de quoi détruire d'autres ouvriers. Je ne sais pas, c'est monstrueux. Moi, je crois que je ne pourrais pas faire ça. Là, justement, j'ai des petits mots écrits par votre ami Wolinski, qui parle très bien de vous. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes tout à fait d'accord. Il dit « Cabu est un passéiste ». Oui, oui, c'est vrai. Je suis passéiste parce que hier, ça sera toujours mieux que demain. J'accepte cette étiquette. Visiblement, il se bat avec l'énergie du désespoir contre un futur dont il n'attend rien de bon. Tout le pessimisme. Oui, c'est vrai. Vous attendez même la guerre, comme vous dites. Non, mais on ne peut attendre que le pire. Je me suiciderais, donc non, j'espère quand même. Enfin, j'espère, mais alors c'est là que je voulais vous parler des jeunes, là, des lycéens. Oui. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, ils roupillent complètement. Je crois que si on attend que cette génération change le monde, je crois qu'on peut attendre longtemps. Et vous parlez des lycéens, des étudiants. Non, des lycéens. Alors, que devraient-ils faire ? Eh bien, ils ne devraient pas être aussi bêtes que nous, c'est-à-dire se laisser faire, comme on s'est laissé faire. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, ce qu'on n'a jamais essayé en France, c'est le boycott économique. Moi, je crois qu'il n'y aurait que ça pour changer le monde, si vous voulez. C'est de ne pas consommer, de moins consommer. Mais ça, c'est pas une idéologie complaisante. Alors, je me demande si ça peut marcher. Vous êtes sûr d'avoir raison, Cabu ? Non. Non. Ah, Wolinski dit, il est sûr d'avoir raison. Non, non. Enfin, c'est bien de le dire comme vous le dites, c'est bien de l'écrire comme vous le faites, c'est bien de le dessiner comme vous le dessinez, mais comme vous le disent vos copains, le combat est quand même perdu d'avance. Parce que il y aura toujours la force, il y aura toujours les fous, et il y aura toujours le pouvoir. Même là où la révolution s'installe, il y a une nouvelle forme d'empire. C'est vrai, prend le pouvoir. C'est vrai. Alors, il y a des jours où on se dit... Mais il faut quand même y croire, parce qu'autrement... Voilà. Mais oui, il y a des jours où on se dit, on n'arrivera pas à changer le monde, il y a trop d'imbéciles. Puis, il y a d'autres jours où on se dit, ah, c'est pas de leur faute. Et puis, à ce moment-là, moi, je me passe un disque de Cab Calloway, parce que c'est trop triste. Voilà au moins, Cabu, une chose que vous aimez, Cab Calloway, Bugle Bulls. Je dois dire que vous êtes vraiment passionné par le jazz. Je vous voyais là, c'est l'un des arguments de votre vie, l'une des manières de respirer. Oui, je crois que le swing, c'était une belle invention. Avec l'invention de la roue et de l'imprimerie, c'était vraiment une des grandes dates de l'humanité, mais ça a été déformé, à mon avis. Oui. Le disco, c'est de la rigolade, à côté. Ah oui, oui. Enfin, ça a été... Un art mineur. C'est de la marchandise maintenant. Oui, du commerce. Oui. Alors revenons à l'écriture. C'est le dessin pour vous. Et j'ai bien aimé cette phrase de Wolinski, parce qu'il y a des mots, parfois on peut les trouver durs, orduriers, et ils sont vraiment d'une vertu totale. Le rôle d'un humoriste, c'est de foutre la merde dans les esprits. Alors. Oui, oui. Puis, Cavana, il dit quelquefois aussi, l'humour c'est un coup de poing dans la gueule. Non, c'est-à-dire qu'on cherche, c'est vrai, il faut frapper fort. À secouer les gens. Plus fort que l'on ne pense, même. On se dit, tiens, bon, peut-être que j'y vais un peu trop fort, mais il faut quand même. Vous aimez quand même quelques chanteurs dans... Ah ben, il y a Maxime Le Forestier, bien sûr. On l'écoutera tout à l'heure, d'ailleurs. Ah oui. Et lorsque Jean-Luc Godard dit que vous êtes le meilleur journaliste de France... Ah, ça, je crois que c'était un gag, mais enfin, bon... Je ne sais pas si c'est un gag. Parce que peut-être veut-il dire par là que vous avez poussé le dessin, et vos amis dessinateurs ont poussé le trait... Jusqu'à leur maximum. Des gens comme Rezer, et lui, il a vraiment inventé une nouvelle écriture, quoi. C'est un dessin même qui bouge, quoi. Je vous dis, c'est une écriture, quoi. Alors, je regarde les cibles favorites, Cabu. Alors, il y a l'armée, il y a les promoteurs, il y a les gens de la justice, il y a l'énergie nucléaire, vous en avez parlé, il y a le racisme, il y a l'enseignement aussi. Pourquoi l'enseignement ? Ça, c'est peut-être des mauvais souvenirs. Mauvais potache ? Bah oui, oui. C'est curieux parce que ça pourrait être chouette, quoi, l'enseignement, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi tout le monde en a un mauvais souvenir, presque comme de l'armée. Son passage au lycée, je sais pas pourquoi. Mais pourtant, l'armée, vous l'avez très bien accompagnée. Vous avez été en Algérie pendant 2 ans. Eh oui. Vous avez été un bon militaire ? Pensez-vous, non. Non, je me suis planqué au maximum, mais malgré tout, j'ai fait 27 mois là-bas. Mais parce que je suis parti, j'étais complètement ignare. Mais quand je suis revenu, j'étais vraiment anti-militariste, parce que j'avais compris que c'était un état dans l'état. On ne pouvait rien là, dans l'armée, je vous assure que... Alors, je sais bien que vous n'aimez pas l'armée, vous l'avez prouvé, vous le dites dans tous vos albums, mais admettons que notre pays soit envahi. Qui va le défendre ? C'est l'armée. Oui, mais... Non, je pose la question. Qui peut le défendre ? Si vous êtes vous, Cabu, cambriolé chez vous, si vous êtes massacré, si vous êtes bastonné, vous allez chercher les flics ? Non, mais dites-moi. Je sais pas, oui. Alors, vous êtes en contradiction avec vous-même. C'est toujours le problème, je crois. Il y a une nécessité, hélas, de la force. Attendez. Non, mais c'est toujours... On me dit... Et devant Hitler, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, les objecteurs ? Et on peut répondre, s'il y avait eu plus d'objecteurs en Allemagne, il n'y aurait pas eu de guerre. Je crois que c'est pour ça qu'il faut raisonner maintenant en parlant de mondialisation. On ne peut plus raisonner en parlant de patrie, parce que ça ne veut plus rien dire. C'est quoi, c'est la patrie des multinationales ? Alors évidemment, la force, si c'est une réaction immédiate, évidemment, il y a une réaction de défense. La force peut être justifiée, mais on ne peut pas ériger la force en système de gouvernement même. Et en ce moment, on voit des États entiers, des peuples entiers qui sont manipulés simplement pour faire réélire un président. On va avancer une menace de guerre. C'est quand même monstrueux. Alors revenons au dessin lui-même. Êtes-vous capable d'être malhonnête pour affirmer la qualité d'un dessin? C'est-à-dire forcément aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a la drôlerie qui doit entrer en ligne de compte. J'ai par exemple dans votre livre sur Abat toutes les armées, toutes les armées, quelles qu'elles soient, et pourtant, de toutes les couleurs. Mais il n'y a que l'armée française qui m'a fait un procès, remarquez. Oui, ben vous êtes français. Bon, alors il y a cette pleine page, overdose tragique, 500 millions de morts, et on voit un militaire avec la chopine qui appuie sur un bouton, il est indiqué force de frappe. Oui, ben, j'ai voulu montrer le pouvoir exorbitant que les militaires détiennent. Et civil aussi, un peu, vous savez. Oh non. Il n'y a que le président de la République au-dessus des militaires, mais une fois qu'il sera dans la brigade anti-atomique de Taverny, il sera aux mains des militaires. Bon. Mais je veux dire, en parlant d'abri anti-atomique, si l'armée était là, soi-disant, pour défendre les populations, elle devrait commencer par construire des abris anti-atomiques à tout le monde, alors qu'il n'y a pas d'abri anti-atomique en France, à part sous l'Élysée, et à part un abri que j'ai découvert grâce à un lecteur qui m'a emmené par les égouts sous le ministère de l'équipement, 58 boulevard Lefebvre à Paris. Il y a un abri de 200 places au moins. Ah bon? Où ça? Quel côté? 58 boulevard Lefebvre, sous le ministère de l'équipement. Exactement, sous un laboratoire. Prenez l'adresse, il va y avoir du monde. Alors il y a l'autre dessin, 14 juillet, fête des tueurs. Alors les révolutionnaires étaient des tueurs. Non, mais le dessin montre les paras qui défilent. Oui, mais enfin, le 14 juillet, c'est pas le 14 juillet d'aujourd'hui ou de demain. Alors justement, c'est le vrai 14 pourquoi juillet. Pourquoi c'est un défilé de couteaux et de haches? Enfin, Cavana, il dit toujours, les animaux, au moins, ils ne font pas de défilé avec des haches et des couperets. Les cochons, ne défilent pas. Bon, mais ce dessin, c'est pour montrer que l'armée récupère toutes les vertus civiques et s'érige en gardien de toutes les vertus, l'honneur, le courage. Je ne vois pas pourquoi on peut être un homme sans avoir fait son service militaire, non? Alors Cabu, on a parlé du Grand Duduche. C'est vous, c'est le potache, c'est l'homme qui se révolte, c'est le jeune qui est mal dans sa peau. Il y a tous ces albums, Abat toutes les armées, il y a les aventures de Madame Pompidou. Je veux dire que là, vous faites preuve de vos qualités de caricaturiste. Et j'ai cité quelques exemples, je les ai donnés parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la bande dessinée est un exemple comme véhicule de transmission. Et c'est vrai aussi que vous portez un regard dur, comme je le disais tout à l'heure, sévère, sans complaisance, sur les sociétés. Et vous ne voulez plus, je crois, de ce monde impitoyable. Vous ne voulez plus de cette violence, vous ne voulez plus de cette hypocrisie. Et en fait, lorsque vous êtes si dur, on peut se dire, oh, Cabu, enfin, il abuse. Alors qu'avec des mots, vous le diriez plus simplement et vous passeriez pour une humaniste. C'est vrai, remarquez, on me traite souvent de curé, alors. Vous ne m'avez pas encore demandé Dieu dans tout cela. Mais n'oubliez pas avant la fin de l'heure. Vous savez que je ne parle jamais de Dieu, moi. Ce sont les autres qui m'en parlent. La preuve, nouvelle preuve. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais parlé ni de Dieu ni de la mort. Mais tous m'en parlent. Ah oui? Pourquoi vous m'en avez parlé? J'ai pas dit un mot. Mais si, parce que j'ai remarqué que vous... C'est toujours à la fin. Non, mais jamais. Si vous aimez bien quand même les gens qui ont rencontré Dieu et tout ça, qui ont une expérience... J'en connais peu d'abord. Non, mais qui... Non, vous êtes piégé, là. Ah, ben, c'est sûr, oh là là, je suis plein de contradictions. C'est facile de me piéger, vous savez. Non, mais vous me demandiez... Mais vous savez, il n'y a pas... on peut... Il y a toutes sortes de bandes dessinées. Regardez, Angoulême, toutes les tendances vont être représentées. Non, mais la bande dessinée a pris maintenant son vol, en faisant l'envol. Oui, je crois que le public n'a pas tellement augmenté. C'est un public de fanas. Oui. Par exemple, j'en reviens aux lycéens de maintenant, c'est pas un engouement, c'est plutôt les 30-40 ans, les lecteurs de bande dessinée. Vous écrivez pour qui? Vous vous imposez un public? Vous essayez de faire des complaisances de ce côté-là? Je vais les séduire. Non, je crois pas. Non? Non, on a l'avantage justement à Charlie Hebdo de ne... d'être responsable de ses pages, si vous voulez. Même Cavana, qui est rédacteur en chef, ne sait pas ce qu'il va y avoir dans son prochain numéro. Bien sûr, s'il n'est pas d'accord, il le dira. Mais après, vous voyez, on est libre. Donc, on dessine pour soi, finalement. Mais Cabu, vous donnez l'impression d'être beaucoup plus libre à Charlie Hebdo, bon, qui a trouvé sa place, qui vraiment s'est installé comme journal et qui est reconnu par tous, même par ceux qui ne l'aiment pas. Mais vous vous reconnaissez plus libre là que chez Pilote, à Pilote. Si, mais je vais y retourner. Ah oui. C'est pas vrai. C'est quand même le tremplin de vos débuts. Non, je vais refaire du Duche dans Pilote, parce qu'on me l'a proposé. Il y a Vidal qui était un type que j'aime bien, alors j'ai dit oui. Mais c'est Vidal qui a succédé à Goscinny. C'est une trahison Non, je vais faire... C'est un retour aux sources. Si vous voulez, mais je pense que Duduche a du mal. Il est pas très bien dans Charlie Hebdo. Parce que c'est un personnage un peu... je sais pas comment vous dire, je sais pas pourquoi, mais je le sens mieux. Il a eu l'autre clientèle avec Pilote. Peut-être il sera mieux reçu. Peut-être par des plus jeunes, oui. Donc vous reconnaissez que Pilote a une clientèle plus jeune, alors que Charlie Hebdo, comme vous disiez tout à l'heure, intéresse surtout les 35, oui. 40, 45, 50, non? Oui. Et au-dessus, lorsqu'on a passé 60 ans, on a de la tendresse pour la bande dessinée. C'est un art pour qui? Pour quel âge? Pour quelle génération? Je ne vais pas vous répondre pour tous les âges. Je crois qu'il faut avoir quelques références quand même culturelles pour apprécier la bande dessinée. Donc, je vous dis 30-40 ans, c'est le bon âge. Alors moi, j'ai regardé un peu tous vos albums. Je dois dire que la caricature est vraie, que le trait est vif. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'y revenez pas. Vous attaquez de tous les côtés le conformisme, le militarisme, le militantisme, le racisme. Mais quand même, une question que l'on pourrait se poser. Vous connaissez des pays où il n'y a pas d'armée? Oui, il y a le Costa Rica. Ah bon? Oui. Et l'Islande. Mais l'Islande a quand même une base de l'OTAN sur son territoire. Mais au Costa Rica, je crois qu'il y a une forte gendarmerie, par contre. Ça n'est pas la même chose. C'est vrai que les gendarmes, vous les aimez bien. Ouais. On les aime bien en France, les gendarmes. Enfin, on peut discuter, je crois, davantage. Vous avez des copains gendarmes? Non. Mais vous savez, j'arrive jamais à discuter avec un militaire. C'est ça qui est terrible. Parce que vous ne voulez pas. Écoutez, une fois dans... C'est de l'intolérance. Non, j'essayais. Ah. Écoutez, j'ai voyagé une fois dans un compartiment. Je revenais de Brest à un procès que l'armée m'avait fait. Avec la femme d'un sous-marinier atomique. J'étais content, je lui ai dit, écoutez, je lui ai donné mon adresse, tout, je lui ai dit, je voudrais parler avec votre mari, je ne l'agresserai pas, je voudrais simplement parler avec quelqu'un qui passe sa vie, soi-disant, pour nous protéger. Bon. J'ai rien reçu, j'ai lancé un appel dans le journal, je sais pas, il n'y a pas de dialogue. Moi, s'il a lu vos albums, il a eu peur, il s'est dit, ce petit monstre... Il a peur de moi avec mon crayon. Ah, mais le crayon peut faire peur. Oui, mais vous le savez bien, d'ailleurs, que les hommes politiques, parfois, craignent le dessin, ou parfois aussi, l'appellent. Oui, on ne vous a jamais demandé, un homme politique ne nous a pas dit « croquez-moi un peu, faites-moi un peu de publicité ». Non, on ne les voit pas, les hommes politiques, nous. Mais c'est vrai que... Il n'y a plus que l'armée qui fait des procès, ou bien Dalida. D'ailleurs, on a perdu tous nos procès, parce que, là, avec l'armée, on ne gagne jamais un procès. On est toujours inculpé d'injures envers l'armée. Mais jamais de diffamation, parce que si on était inculpé de diffamation, il faudrait apporter la preuve. Il faudrait que l'armée apporte la preuve qu'il y a diffamation. Elle ne veut pas s'engager sur ce terrain-là. Elle décrète qu'il y a injure, et le ministère public décide aussi qu'il y a injure, évidemment, parce que le ministère de la Justice emboîte le pas au ministère des Armées. Alors on est toujours condamné. Mais alors Cabu, pour quel combat, contre qui êtes-vous capable de prendre des armes? Vous pourriez prendre des armes un jour? Non. Jamais, non. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Écoutez, si vous prenez une arme, si vous êtes agressé, tout à l'heure, vous m'avez demandé... Oui, voilà. Dans la rue, par exemple. Sans arme, vous risquez au moins d'avoir la vie sauve. Mmh. Parce que si vous avez une arme, vous faites encore plus peur à celui qui vous agresse. il y aura au moins un maladroit. Voilà. Vous croyez pas? Je crois, oui. Et ça résout jamais rien. C'est simplement un coup de sang qui fait plaisir. C'est un défouloir, une arme, c'est tout. Alors, on va se faire plaisir un peu, oui. Cabu. On va passer Charles Trenet. Oui, parce que vous avez vraiment de la tendresse pour tout cela. Ah oui, oui. Et Volinsky vous dirait encore... Un passéiste. Passéiste. Mais... attention, Charles Trenet, il est d'aujourd'hui. Hein. C'est sûr. Miss Émilie. Ils s'étaient rencontrés en gare de Budapest, mais lorsqu'elle arrive en tout deux en gare de l'Est, soudain brin en culot, excessif à cet âge, il lui dit, voulez-vous que je porte vos bagages ? 6 mois après, ils étaient mariés. Il était charmant, elle était anglaise, et tout le jour, il soupirait. Cette chanson ne vous déplaise, Miss Emily, vous êtes la muse du poète. Le poète, c'est moi, avec un grand chapeau, et la muse, c'est vous, couverte d'oripeaux. Miss Emily, cher ange, à l'envie me démange de vous mordre le cou. Si vous ne m'aimez pas, vous m'aimez, Emily, n'est-ce pas ? Oui ! Ah ! quoi qu'il arrive, vous êtes passé sur ma rive. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le temps s'enfuit et tout s'efface. Il se montra très doux, elle se montra coquette. Elle lui flanquait des coups, il en restait tout bête. Il faisait le marché, balayait le salon. Il réparait les vieilles toits de la maison. 6 mois après, il ne marchait plus. Il était bancal, elle était anglaise. Et malgré ça, toujours ému. Il lui chantait, ne vous déplaise, Miss Emily, vous êtes la muse du poète. Le poète, c'est moi, avec un grand chapeau, et la muse, c'est vous, couverte d'oripeaux. Miss Emily, cher ange, à l'envie me démange de vous mordre le cou. Si vous ne m'aimez pas, vous m'aimez, Emily, n'est-ce pas ? Oui ! Ah ! quoi qu'il arrive, vous êtes passé sur ma rive. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le temps s'enfuit et tout s'efface. Un jour il eut assez de cette vie de bagne. Il amène Émilie un soir sur la montagne, soi-disant pour cueillir d'innocents champignons. Mais il a son idée le mignon. C'est un couteau qu'il brandit soudain. Il était terrible, elle était anglaise, mais au moment de mourir un brin, il lui chanta, ne vous déplaise, déplaise. Miss Émilie, vous êtes la veuve du poète. Le poète, c'est moi, avec un grand couteau, et la veuve, c'est vous qui me tuez bientôt. Miss Émilie, je pleure des larmes comme du beurre, mais avant de mourir, mais avant mon trépas, vous m'aimez, Émilie, n'est-ce pas ? Oui ! Ah ! Je me décide, à ce charmant petit suicide. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le temps s'enfuit et tout s'efface. On pourrait croire que c'est une chanson d'Yvan Dotin, par exemple. Oui. Voyez. Et c'est une chanson qui a mon âge, elle a 42 ans. Vous vous rendez compte ? C'est une chanson complètement inconnue, c'est dans son gros album là. Mais je sais pas pourquoi j'aime tant Charles Trenet, je sais pas. Faudra que j'aille voir un psychanalyste. Vous le connaissez, Charles ? Vous l'avez pas rencontré ? Pas du tout, mais il est impossible à rencontrer, il paraît. Je voudrais bien le rencontrer. Il n'est pas impossible à rencontrer. Il paraît qu'Averti avait commencé à faire une émission avec lui pour Noël et puis il n'a pas réussi à la terminer. Non, mais là, c'est une autre affaire. À ce moment-là, je crois que Trenet était un peu fatigué. Il avait un gros rhume. Vous pourriez écrire pour lui ou pour d'autres ? Écrire des chansons ? Ah non, je crois que c'est très très dur. Pourtant, lorsque vous faites un dessin, vous ajoutez à ce dessin une légende. Et c'est déjà un commencement de chanson. Oui, mais il faut un rythme quand même dans un texte de chanson. Vous ne croyez pas ? Non, non, c'est différent. Enfin, GB a fait des chansons, a fait une chanson pour Yves Montand, qui est très, très belle. Cavana a fait une chanson pour Marcel Amont. Et alors vous ? Moi, je ne peux pas faire une chanson pour Charles Trenet, quand même. Je n'en voudrais pas. Il y a une nécessité d'inventer chaque fois des personnages. Bon, le Grand Duduche, lui, est installé. Il court sa vie. Mais il y a également Catherine, cette fille de bonne famille. Catholique et qui un jour prend toute sa liberté et découvre les émois sexuels. Alors pourquoi serait-elle catholique ? Pourquoi serait-elle de bonne famille ? Et pourquoi, à la fin, ses parents seraient-ils inquiets ? Vous savez que les bonnes mœurs sont également très bien regardées du côté des simples. Oui, c'est vrai, mais ça c'est un personnage. Non, ça vous avez choisi. Négatif, vous avez choisi. Mais oui, c'est votre côté négatif. C'est-à-dire vous pensez que... D'abord, vous êtes né dans quelle famille, vous ? Une famille de petits bourgeois. Mon père voilà. est professeur. Le grand duduche est bourgeois. Mon père était professeur à l'école des arts et métiers de Chalon, sur Marne. Mais parce que vous reliez ça... C'est sûr, non, j'essaie encore, de m'interroger, parce que vous savez, c'est l'auberge espagnole, un dessin. Oui. Non, mais allez-y, je m'allonge sur le divan, là. Non, mais moi, je ne suis pas psychanalyste. C'est encore une erreur. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir, d'aller un peu plus loin. Et je crois qu'on a tort. Alors que vous avez décidé de dire une chose et de l'inscrire sur le moment, de traiter l'événement. Je vous dis, je travaille pour des hebdomadaires et des mensuels. Alors, ce n'est pas les mêmes dessins. Vous voyez, je crois que c'est simplement comme ça. C'est après qu'on peut faire une analyse, mais on est des journalistes, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. Alors, on travaille pour Charlie Hebdo. Et on fait des dessins d'actualité parce que l'actualité nous porte. Et puis, pour les mensuels, on a le temps de raconter des histoires. Enfin, quand même, il y a eu un glissement progressif vers la contestation. Vous n'étiez pas comme ça au début, et cela vient du fait que vous aimez le pamphlet, et si vous aviez été journaliste, vous auriez été pamphlétaire, vous aimez le dessin et vous êtes dessinateur. Et puis, en fait, le dessinateur est devenu polémiste, parce que c'était dans sa peau, dans sa propre aspiration. Oui, oui. Mais, comme vous dites, c'est le dessin qui est important, quand même. Je pense qu'il y a... En France, il faut se dire qu'en ce moment, c'est l'école française de dessin, de bande dessinée qui est la plus importante. Et il y a des dessinateurs comme Giraud ou Gottlieb qui sont vraiment sont des phares dans le monde entier, vous voyez. Il y a 10 ans, c'était encore les États-Unis, mais maintenant, c'est la France. Et vous êtes très français de ce côté-là. Vous n'aimez pas du tout le dessin américain. C'est sûr que je me sens plus dans la tradition des dessinateurs comme... Gus Boffa, je ne sais pas si vous connaissez, ou des dessinateurs qui aimaient le noir, vous voyez, ou des dessinateurs de l'assiette au beurre, qui faisaient un dessin par page avec un beau noir, une belle composition. Vous dessinez avec quel crayon? J'essaie de dessiner avec tout, même avec un manche à balai, parce que c'est un détail ça, mais... Une plume? Oui, ou bien un morceau de bois, un bambou, on appelle. Ouais. Il y a rarement des couleurs. Hein. Oui, je ne suis pas tellement coloriste. Non, non, je préfère le noir et blanc. C'est formidable. Vous pourriez faire un tableau, exposer comme peintre? Non. C'est un autre métier. Oui. Alors, c'est plus compliqué, c'est plus raffiné. Bon, je ne sais pas. Quand on voit... Non, mais quand je vois des dessins de Picasso, par exemple, ça me suffit. J'ai pas besoin de voir ce qu'il fait en couleur. Je trouve que... Je préfère ses dessins, d'ailleurs. Il dit tout. Un dessin de Matisse, c'est magnifique. La couleur, bon... souvent, c'est de l'ornementation. Enfin, je le sens comme ça. Moi, je crois, en noir et blanc. Alors, il y a ce que vous faites, c'est-à-dire vos reportages, et puis il y a la caricature. Dans ce que vous faites, vous pouvez tout vous permettre. On ne vous en voudra pas d'être passé à côté de ce qui pourrait être la vérité. Mais la caricature est un art exact. Il faut véritablement que ce que vous faites ressemble au personnage. Je vois par exemple Pompidou est remarquable. Et dans les procès, dans les croquis, vous deviez vraiment vous faire plaisir. Oui. Aujourd'hui, vous aimeriez dessiner qui? Qui voudrais avoir en face moi? Parce que ce sont les hommes politiques, oui. Surtout à ce moment-là. Non, je voudrais bien avoir une interview avec Giscard d'Estaing, lui parler du désarmement. Vous voudriez le rencontrer? Ah oui. C'est une demande que vous faites, officielle. Oui, voilà. C'est-à-dire, quel but de rencontrer le président de la République? Un quart d'heure pour lui parler du désarmement. Mais lui aussi, il aime bien ce sujet-là, mais je crois que c'est pas du même désarmement. Enfin, il faudra bien qu'un jour... parce qu'en ce moment, on est le troisième vendeur d'armes au monde. Par ailleurs, on parle... les hommes politiques français parlent du rôle pacifique de la France dans le monde. C'est contradictoire, je crois. Donc vous seriez tout à fait capable d'aller à l'Élysée. Ah oui? Ah moi je veux bien parler avec tout le monde. Non, c'est bien ça. Mais est-il vrai que vous ne vous rencontrez pas tellement souvent tous les amis de Charlie Hebdo? C'est et vrai. Et que de là vient vraiment le triomphe de l'association? Non, mais je pense, vous savez, que les vrais amis sont ceux avec qui on travaille. Mmh. On se rencontre le lundi, on fait le bouclage du journal, on fait la couverture sur place, c'est le seul travail en commun. Il faut dire que Bernier a souvent des idées de couverture. C'est un type formidable parce qu'il sait à la fois parler aux banquiers pour les faire patienter et trouver des idées. C'est lui qui avait trouvé la fameuse idée de couverture, balle tragique à Colombey, un mort. Ça, c'est une fameuse couverture. Vous n'avez pas un peu honte dans ces cas-là, non? Non, attendez, que je me rappelle. Non, je crois pas. Alors, vous parlez des banquiers, mais vous avez de bonnes affaires. Vous faites de bonnes affaires, tous. Je le disais à Cavanna l'autre jour. Ah oui? Qui lui a fait un beau bouquin. Ah oui. Ah, Liruskov, quel beau. Quel mais beau regardez livre. Dans son bouquin, justement, le passage où il revient du. Il est libéré et il s'aperçoit que les. Bon, au moment où on a dramatisé les événements. On a engagé dans l'armée allemande les vieux et les jeunes sur le front russe. Pendant ce temps-là, à l'arrière, tous les notables nazis étaient en train de se rendre aux forces américaines. Donc, vous voyez, on peut pas aller baïonnette au canon au-devant d'un adversaire, parce qu'il y a tellement d'exemples de manipulation comme ça. En 14-18, si vous savez, on ne parle pas souvent de la poche de Briey en Meurthe-et-Moselle. C'était Schneider qui travaillait à la fois pour les canons allemands et les canons français. Et ça n'a jamais été bombardé, cette zone-là, parce qu'il fallait bien alimenter la guerre, des deux côtés. Le bouquin de Cavanna, vraiment, c'est un témoignage contre l'absurdité de la guerre. Mais Cavanna a eu le prix interallié, il est tombé dans les honneurs. Bah, vous savez, mais il est heureux, hein. Vous aimeriez, vous, un grand prix Non, non, mais on risque rien, les dessinateurs, on n'est pas des personnages. Non, non, mais Cavanna, vous savez, il ne l'a pas volé, si on prend ça comme un honneur, mais... Non, il l'a bien mérité. D'avoir son... Oui. Mais j'ai l'impression au Québec que vous êtes quand même un grand solitaire. C'est sûr. C'est une nécessité pour ce travail-là. Oui, on est seul devant sa table à dessin, mais moi, je ne souffre pas de la solitude. Moi, je suis un solitaire, c'est sûr. On est tous des solitaires pour faire ce métier-là. Et alors, quand j'en ai marre, je me mets un petit disque. Si vous voyez ce que je veux dire. Maxime Le Forestier, par exemple. Oui. D'ailleurs, il y a une chanson où il parle un peu de vous, non? Non, mais... caricature, c'est... Oui, il m'a dit que cette chanson lui avait été inspirée par certains de mes dessins. Des traits que l'on torture sur un visage de papier. Une vie de rature qui se ferait caricature, mouton résigné, costumé, qui se tairont toujours sans un regard autour. Pour les renards cossus, repus, des marches fières protégées par la boutonnière, caricature passée. Gommé par un trou dans de la terre, une pierre et dessous quelques traits mal esquissés salissent un carnet. Notre vie se passe au crayon, notre vie s'efface au paillon, comme une signature sur un registre fatigué. Un besoin d'aventure civilisée, caricature dressée, de naissance en enfance, à cadencer le pas sans réfléchir, soldat sans avenir, bien vu, cocu. Des marches fières protégées par la fourragère, caricature effacée, gommée par un trait de lance-pierre, un éclair en acier, un portrait qui nous ressemble et flambe déchiré. Notre vie se passe au crayon, notre vie s'efface au canon. Pour les années futures, ne changez rien à vos palais. C'est la grandeur nature qui vous a fait caricature. Cabu, je m'aperçois que vous avez de la tendresse pour vos amis, et Maxime Le Forestier, que l'on vient d'entendre, est votre ami, et que vous avez dans le même temps la courtoisie de l'irrespect. Et je crois que l'insolence, c'est quand même... une jolie vertu. Qui se perd, non? Qui se perd. Je crois qu'on a peur d'être insolent. Et beaucoup sont perfides, oui. Ce qui est le contraire de l'insolence. Il ne faudrait pas quand même se tromper. Mais si vous voulez, je reconnais que c'est dur d'être insolent quand on connaît les gens. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de crapules, vraiment. Donc il ne faut pas sortir de sa tour d'ivoire. Ah voilà, et voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'un dessinateur... Cruel à tout prix. Il faut voir mais ce que font les gens, ce que font les gens, et pas ce qu'ils disent, parce qu'ils vont toujours se justifier. Je reconnais que ce n'est pas facile, quand on a quelqu'un en face... Et puis vous, si jamais on vous voit trop, vous n'êtes plus crédible, parce qu'en fait, vous êtes un père tranquille. Bien sûr. Mais c'est vrai aussi que vous faites beaucoup de télévision et que vous vous y amusez. Je vous ai vu avec des enfants. Sur la deuxième chaîne, oui. Non, Récré à deux. Justement, avec mon copain Willy Lémergie, on a fait une émission où on a donné la parole aux enfants. On leur a demandé de téléphoner chaque semaine pour écrire une histoire. C'est ce qu'on a fait l'an dernier. Et je suis en train de faire un bouquin avec les dessins qui ont été faits l'an dernier. Et je me suis aperçu que les enfants de 10 à 14 ans reprenaient toutes les idées écologistes, si vous voulez. Oui. C'est ça. Et moi, j'étais drôlement content. Mais malheureusement, à 15 ans, ils deviennent punk, ils deviennent cyniques, et puis c'est foutu. Mais c'était vraiment intéressant l'an dernier, je vous assure. Parce qu'on a essayé d'élaborer une nouvelle constitution, par exemple, sur une planète idéale. Et le premier coup de téléphone qu'il y a eu, je me rappelle à cette émission-là, c'était un enfant de 12 ans qui téléphonait pour dire qu'il faudrait commencer par supprimer toutes les armes. Alors on a cru que c'était mon petit neveu ou quoi que ce soit, mais non, c'était... Ils avaient tout compris. Mmh. Et Cabu était fier. Cabu était heureux. Moi, j'étais content, oui. Mais il semble qu'à 15 ans, il n'ait plus envie. Mais tout peut être drôle dans la vie, même le pire, à votre avis. Ah oui, il faut rigoler avec tout, même le cancer, tout, tout, tout. Oui, oui. Ah oui, oui. Pour vraiment le tuer. Oui, oui. Oui, parce que sans ça, ça devient une... C'est le rôle de l'humoriste. Oui, oui, je crois que... C'est un peu Molière. Si vous voulez, oui. Oui, mais lui, il disait Pour en rire avant que d'en pleurer. Oui. Oui, c'est ça. Donc vous avez, vous les dessinateurs, un rôle social. Cabu, oui, vous êtes nécessaire, vous devriez même être remboursé par la Sécurité sociale. On n'a pas encore un statut. Remarquez, les objecteurs, ils ont eu bien du mal à avoir leur statut. Et la loi n'est toujours pas appliquée, mais enfin... Ça, c'est vrai. Regardez, il y a quand même quelques lois en France qui ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que... On a un mal fou à obtenir son statut, surtout en ce moment. Il y a 400 objecteurs qui n'arrivent pas à avoir leur statut parce que la commission juridictionnelle a décidé de ne plus accorder pendant un certain temps. On ne sait pas pourquoi. Les demandes sont les mêmes qu'il y a un an, mais on ne sait pas. Enfin, moi, j'ai retenu deux choses. Un, vous souhaitez rencontrer le président de la République. Oui. Et deux, vous demandez votre statut d'objecteur de conscience. C'est bien ça? Oui, oui. Il n'y a pas autre chose à demander? Un peu plus de Cap Calloway sur les ondes, un peu moins de disco, mais je crois que ça va être fini, hein, le disco, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça. C'est vrai. Et puis... La mode est démodée. Voilà, puis que les... et que les usines d'armement ferment. Et que nous, on est quand même... Oui, attention, pas un monde trop idéal, parce que nous, on n'aurait plus de matière pour rigoler. Alors... On sera obligé de changer de métier. Merci. Je crois que, on risque rien. Merci, Cabu.